Chapitre 8e. L'ami. Trois jours après ce retour, Martel et Maurice étaient ensemble dans le cabinet de travail de celui-ci. Appuyés l'un et l'autre sur la barre de la fenêtre, ils regardaient vaguement dans le jardin et parlaient de l'Italie. Mais depuis assez longtemps déjà l'entretien traînait. Les paroles ne venaient que contraintes. Ils restaient tous deux silencieux, comme s'ils eussent pris une attention sérieuse à voir les cimes des arbres ondoyés et les feuilles arrachées des branches qui craquaient s'envoler en tourbillon du côté de Paris. Enfin, à un certain moment où Maurice se releva, Martel ferma vivement la fenêtre et, se posant le dos contre l'espagnolette, il regarda en face son ami. « Tu me rendras cette justice, dit-il, que je ne me suis jamais jeté au travers de ta vie. Pardonne-moi si, dans les circonstances présentes, je manque à cette règle de conduite. Pardonne-moi aussi si je te peine ou te blesse, et crois bien que ce n'est pas pour mon plaisir que j'aborde un sujet désagréable pour nous deux. » Cet exorde, débité d'une voix grave et résolue, ne surprit point Maurice. « Tu veux parler de Lina ? » dit-il. Martel fit un signe affirmatif. « Eh bien, poursuivit Maurice, tout ce que tu me diras, je me le suis déjà dit. Tu ne parleras pas avec plus de sévérité que je ne l'ai fait. Et puis à quoi bon ? Où as-tu vu qu'un ami plein de sang-froid et de raison parvenait à empêcher un autre ami, emporté par la passion, de faire les plus grandes folies du monde ? Les discours les plus éloquents et les plus sensés n'ont jamais servi à rien, tu le sais aussi bien que moi. Évitons donc des paroles pénibles pour toi et pour moi. Tu me dirais que j'ai tort, que je me ruine, que je fais souffrir ma femme. C'est vrai, je le sais, je le sens. Si je n'ai pas rompu, c'est que je suis trop faible. Voilà qui est tout aussi vrai. Voilà ce que je pourrais te développer aussi de manière à t'attendrir, si je te disais toutes mes faiblesses. Toutes les paroles du monde, sois-en convaincu, ne me décideront pas, puisque je ne me suis pas décidé. Restons-en donc là, je t'en prie. Quand nous pourrons traiter ce sujet, je l'aborderai le premier. Pour aujourd'hui, parlons de Rome, si tu veux. » Martel ne s'attendait point à cette confession. Que dire à un homme qui, par cela seul qu'il s'accuse, s'excuse ? Mais il se remit bientôt. Il savait quel fond on peut faire avec ces natures faciles au désespoir. Et il ne se sentait nulle pitié pour ses remords et ses douleurs, qui chaque jour trouve une absolution nouvelle dans un repentir nouveau. Ainsi, dit-il, cette liaison durera toujours, le faux sera plus solide que le vrai. Qui parle de toujours ? Toi, puisqu'aujourd'hui tu ne parles pas de fin. Sans répondre, Maurice haussa les épaules en soupirant. Vrai ! S'écria Martel, j'admire ton fatalisme. Tu t'en remets au hasard, à je ne sais quoi, pour terminer n'importe comment une situation qui t'est à charge. Si tu étais heureux, je comprendrais jusqu'à un certain point ton refus d'agir. Être heureux, c'est une excuse, mais tu souffres, tu as honte de toi. Tu n'attends qu'une occasion pour briser cet amour en la solidité duquel tu ne crois même pas. Et tu n'as pas le cœur de faire aujourd'hui ce que les circonstances feront demain pour toi. Précisément, répondit Maurice, tu vois bien que je ne me trompais pas, en l'avertissant que tu me répéterais ce que je me suis déjà dit 100 fois. C'est donc à dire que si tu avais la gangrène à la jambe, tu attendrais que cette jambe tombât en pourriture, sans oser te la faire couper. On m'opérerait, si je n'avais pas la force de le demander, on voudrait pour moi. Tandis qu'aujourd'hui il faut que je veuille de mon propre mouvement, et que moi-même je m'opère d'une gangrène qui s'est attaquée à mon cœur et à mon cerveau. Voilà la vérité vraie. Il est dans ta nature de prendre facilement des résolutions que facilement aussi tu poursuis jusqu'au bout. Moi, rien ne me paraît plus impossible, non de les prendre, mais de les tenir. Tu les tiendrais si tu voulais penser un peu plus à d'autres qu'à toi. Que je me décide à rompre avec Lina, je le voudrais aujourd'hui, je le voudrais demain, puis, je ne sais comment, sans que j'y pense, tout à coup je me souviendrai d'une intonation, d'un geste, qui pour toi ne serait rien, qui pour moi serait tout un monde. Ou bien, passant à côté d'une femme, je trouverai entre elle et Lina une ressemblance, un contraste, quelque chose qui vous accroche, et voilà mes souvenirs qui galopent, et à leur suite mes désirs. Tiens, il y a quelques mois, j'ai tout avoué à Armande, et de très bonne foi, j'ai cru que me liant par des serments, je me liais bien. 4 jours après, me promenant sur le boulevard, je me suis jeté maladroitement dans une femme que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Seulement il s'exhalait d'elle un léger parfum d'ambre, qui est l'odeur favorite de Lina. Ce parfum m'a soulevé comme eût fait une décharge électrique. Les serments se sont envolés. Du ressort, de la volonté, de l'énergie, me diras-tu. C'est exactement comme si tu conseillais la gaieté à un hypochondriaque, le mouvement à un paralytique, La volonté, c'est très beau, ça fait les héros et les tragédies, mais dans la vie, il y a la faiblesse à laquelle personne ne s'intéresse et qu'il faut faire entrer en compte. Eh bien, je suis aussi faible pour me débarrasser de ma passion que je le serais pour lever à bras tendus ce fauteuil qu'un autre que moi soulèverait peut-être facilement. Crois-tu, interrompit Martel, que j'irais perdre mon temps à te parler d'énergie s'il ne s'agissait que de toi? Crois-tu que je ne sache pas quelles sont les tyrannies de cette passion derrière laquelle tu parais si heureux de te retrancher? Mais précisément, tu n'es pas seul, et tu n'as pas le droit de faire souffrir ta femme pour la satisfaction de ta passion ou la faiblesse de ton cœur. Ah, pour moi, je voudrais m'être cassé la jambe le jour où nous sommes partis pour aller chez son grand-père, pauvre brave homme. Il se jeta sur un fauteuil. Ce souvenir des anciens jours, évoqué dans de pareilles circonstances, l'avait douloureusement ému. Pour Maurice, il se mit à marcher par la chambre, les mains croisées derrière le dos, la tête inclinée. Après un long moment de silence, il s'arrêta et, relevant la tête, « Tu n'as que trop cruellement raison, dit-il, mais qui pouvons-nous? Puis-je me refaire ?» À ce mot, Martel aussi releva les yeux. Il vit qu'il avait touché juste. La discussion était admise, ce qui était un grand point, et Maurice abandonnait la défense de Lina, ce qui en était un autre capital. Il se raidit contre son propre attendrissement et reprit avec énergie. Encore, pour qui est-elle sacrifiée? Hier soir, je suis entré au théâtre, tu dois le penser. J'avais le cœur trop rempli de ce pauvre vieillard, à peine refroidi, que j'aimais sincèrement. Non pour Imogène, non plus, je n'étais guère en état d'écouter ta musique. C'était pour voir ta maîtresse, que je ne connaissais pas, mais que je me figurais irrésistible, d'après ce qu'on m'en avait dit d'elle. Je ne parle pas de son talent. J'étais fixé là-dessus par l'unanimité des journaux, seulement de sa personne. Eh bien, franchement, rien en elle ne m'a expliqué ton inexplicable passion. Dans une petite chambre à plafond bas, avec des rideaux ne donnant qu'un demi-jour, elle peut être drôle. Que peut-elle être en pleine nature? Que serait-elle dans un vrai salon? Pendant plus d'une heure, je l'ai poursuivie de ma lorgnette. Quand elle n'était plus en scène, c'était ta femme que je voyais, ta femme, que je venais de quitter, si charmante malgré son désespoir. Et je me demandais comment tu pouvais préférer cette petite femme d'entresol à ta femme qui, depuis que je la connais, va s'embellissant comme une belle journée d'été. On voit que tu n'as jamais été marié, dit Maurice sans se fâcher. Que le mariage amoindrisse les qualités d'une personne qu'on voit chaque jour et grossisse ses défauts, je comprends cela jusqu'à un certain point. Mais ta femme n'a pas un défaut qui n'ait sa qualité opposée. Il y a longtemps que j'ai dit qu'il en était d'elle comme des femmes de Prudhon. Rien n'est plus facile que de les critiquer en les regardant, mais il est impossible de se les rappeler sans émotion. Voilà le charme de la grâce et de la poésie, et ce charme-là rayonne de Madame Berthaud, comme du soleil rayonne la lumière. « Quel défenseur elle a en toi ?» dit Maurice avec une certaine raideur. « Mais cesse de t'échauffer. Je connais ma femme aussi bien que toi. Et je sais qu'il n'y a pas plus de comparaison à établir entre elle et ma maîtresse » qu'entre le sentiment que j'ai pour l'une et le besoin qui me pousse vers l'autre. « Cette comparaison ne viendra à l'idée de personne, » dit Martel. « Crois bien, » poursuit Maurice, « que si toutes deux étaient en danger, je ne balancerais pas une seconde. Ce serait Armande que je sauverais, car je l'aime. J'ai pour elle une amitié profonde. Je la plains, je la respecte, je l'admire, tandis que je n'éprouve rien de tout cela pour Lina. Mais c'est par elle que je me sens vivre. » Il s'arrêta, puis tout à coup il reprit comme s'il était emporté malgré lui. « C'est auprès de Lina que mon cœur bat, que mon sang bout. Pour elle, j'ai du bonheur à me mettre dans des positions désespérées. Auprès d'elle, je prends à ma ruine, que je suis pas à pas, le poignant intérêt qu'un joueur prend à la sienne. Tu ne connais pas ses émotions, tu ne sais pas comme elles vous dominent et vous entraînent. Car enfin, je connais Lina. Il y a des jours où je crois que c'est fini, et où je n'ai plus envie, une envie folle, que de l'étrangler. » Cependant j'y retourne, et mes lèvres, qui voulaient la mordre, malgré moi, l'embrassent. Tombe un jour aux mains d'une nature inférieure à la tienne, et tu comprendras ce que je dis. Tu verras que plus elle te sera inférieure, plus elle te dominera. Il y a là une loi fatale, l'explique qui pourra. Moi je la sens dans toute sa dureté. Mais puisque tu m'as amené à cette confession, allons jusqu'au bout. Tu sais dans quelle situation j'étais lorsque je me suis marié, affamé d'amour, lassé, rassasié de plaisir. C'est quand la lassitude s'est effacée que j'ai pris une maîtresse. Je l'ai fait un peu involontairement, c'est vrai, mais beaucoup aussi par respect pour la pureté de ma femme. Une fois encore, Martel resta douloureusement perplexe. Cette brutalité de confession lui démontait ses meilleures armes. « Allons, » dit Maurice, « restons-en là. Tu vois bien toi-même que si je quittais Lina aujourd'hui, demain j'aurai une autre maîtresse. » Maurice avait cru que lors de l'entretien, il avait découvert une ouverture à son ami. « Est-ce qu'une autre, » dit vivement celui-ci, « aurait la même influence funeste ?»« Si tu es une de ces natures à la Don Juan, qui ont besoin des excitations de la voltige et de l'inconstance, tu ne dois pas garder Lina, mais précisément changer de maîtresse aujourd'hui, demain, toujours. Ces maîtresses-là, ta femme ne les connaîtra pas, tandis que Lina est pour elle une injure et une douleur de tous les instants. Pour ton talent, elle est la mort, car tu ne feras jamais plus rien. Pour ta fortune, elle est la ruine. Voyons, franchement, que t'a-t-elle coûté, que te coûtera-t-elle chaque jour ? Pour cela, sois tranquille, monsieur Michon a bien pris ses mesures. Par son testament, il laisse toute sa fortune en pleine propriété à Victorine, en usufruit à Armande. Nous n'avons même pas droit à notre réserve légale. Car de son vivant, il m'avait fait signer un reçu constatant qu'elle avait été épuisée par des donations manuelles. Je n'aurais jamais pensé qu'il me ferait une pareille injure. Ainsi, reprit Martel, sans relever ce dernier mot, c'est avec les quelques 1000 francs de rente de ta femme que tu vas entretenir ta maîtresse. Quelle vie vas-tu mener ? Une vie de misère, emprunt chez les usuriers, remboursement chez les huissiers, voilà des relations bien agréables. Et Imogène, mon pauvre ami, tu ne sais pas combien les dettes ont paralysé et finalement tué de talent. Combien cette vie-là pourra-t-elle durer ? Même en admettant que Mademoiselle Boireau est un caprice pour toi. Crois-tu qu'avec ses habitudes et ses besoins, elle poussera l'héroïsme jusqu'à traîner des robes tachées ou jusqu'à boire du vin bleu acheté en litres ? À son âge, avec son éducation, dans le milieu où elle vit, changerez-vous de rôle ? Et te feras-tu entretenir par elle ? Ce serait un joli triomphe. » Il resta le visage collé contre la vitre, comme s'il regardait dans le jardin. « Non, n'est-ce pas ? Alors on te mettra amicalement à la porte. C'est maintenant entre vous une affaire de jour, de mois peut-être. C'est en face d'une pareille expectative que tu n'as pas la force de rompre. Supposons 3 mois, 6 mois de souffrance pour ta femme. Rompre aujourd'hui, c'est les lui épargner, en même temps que c'est regagner son cœur, sensible à un sacrifice accompli dans un pareil moment. Songe donc combien elle a besoin de consolation. Souviens-toi de ce que tu éprouvais lorsqu'après avoir perdu ta mère, tu n'avais point pour t'y jeter le cœur de celle que tu aimais et qui ne t'aimait plus. La situation de ta femme aujourd'hui est exactement la même qu'était la tienne alors. Tu n'avais plus de mère, elle n'a plus de père. Tu étais abandonné, elle est abandonnée. Désespéré, anéanti, fou de douleur, tu voulais te tuer. Que fera-t-elle ? À l'émotion de Maurice, il sentit qu'il avait gagné du terrain. Il reprit. D'un mot, tu peux rendre l'espérance à ce cœur brisé, arracher ta femme à cette horrible solitude où la raison chancelle, te débarrasser toi-même de tes remords. Et par je ne sais quelle faiblesse, tu ne le dirais pas quand tu l'as sur le bord des lèvres. Et comment ? Dit Maurice en se laissant tomber sur une chaise. Martel ne répondit point à cette interrogation qui disait tant de choses. Il voulait laisser naître dans cet esprit, à la fin touché, des réflexions qui, assurément, seraient plus fortes que toutes les paroles qu'il pourrait lui-même ajouter. L'idée de rupture était admise, elle était avouée, elle allait grandir. « Oui, » dit Maurice après plusieurs minutes de ce silence décisif, « comment y tenir ? » En te répétant que si tu ne prends pas les devants aujourd'hui, c'est elle qui les prendra dans quelques mois. « Décide-toi donc. »« Ce n'est pas la décision qui me gêne le plus, c'est le moyen. »« Tu ne connais pas Lina. Elle regimbera, m'entortira, et je serai repris. »« Le moyen est cependant bien simple, c'est de n'y point retourner. » Mais il ne voulut point accepter. Il n'avait point de reproche à lui adresser. Il ne la quittait que par devoir. C'était bien le moins qu'il eût pour elle des égards. Il fallut batailler de nouveau, répéter 10 fois la même chose. Enfin, il fut convenu qu'il écrirait, et il se mit à son bureau. Martel, tourné vers la muraille, évita de fixer les yeux sur lui. Mais surpris de ne point entendre la plume courir sur le papier, il le regarda. « Allons, dit Maurice, dicte-moi, je ne trouve rien. Soit, 2 lignes suffiront. » Ces 2 lignes n'étaient cependant point faciles à improviser. Il se pencha par-dessus l'épaule de Maurice. « Brûle cette feuille, » dit-il. « Si tu commences par ma chère Lina, nous n'en finirons jamais. Il nous faudra 4 pages de déduction pour arriver à la conclusion. »« Eh bien, quoi alors ?» il dicta. « Les événements de ces derniers jours me décident à rompre une liaison où nous ne trouvons plus de satisfaction ni l'un ni l'autre. Ma détermination est irrévocable. Assez, dit Maurice interrompant. Je vais terminer. Il écrivit. J'espère que vous ne tenterez rien pour la changer et que je pourrai rester ainsi à jamais, votre ami, M. Berthoud. Maintenant, dit Martel, donne-moi la lettre. As-tu peur que je la garde? Franchement, oui. Sois sans crainte, le plus dur est fait. Je me sens trop soulagé pour revenir en arrière. Donne toujours, je la remettrai en m'en allant. Maurice tenait la lettre entre ses doigts. Il la balança durant quelques instants, puis brusquement, il la jeta dans le chapeau de Martel. Allons, dit-il, ma femme te devra un beau cierge. À quoi bon lui parler de moi? Garde auprès d'elle le mérite de ta détermination. Ce sera une joie que tu lui feras. Tu devras même la lui faire tout de suite. Va lui dire où je porte cette lettre. Maurice n'accepta point cette proposition si simple. Non, dit-il avec humeur. Dans les conditions où je suis, cette joie me blesserait. Dis plutôt franchement qu'elle blesserait ta vanité, ou si tu aimes mieux, ta dignité. C'est là une niaiserie qui, si tu persistais, serait aujourd'hui une cruauté. Et quand tu souffrirais un peu, ta femme, elle, souffre par ta faute depuis bien longtemps. Elle ne pense pas à cela aujourd'hui. Tu peux lui apporter une grande consolation, la tirer presque du désespoir, où vient de la plonger la mort de papa Michon. Ne le feras-tu pas? Et cependant, tu sais ce que c'est que d'être seul dans la douleur. Vanité ou faiblesse, répondit Maurice, je ne parlerai point à Armande, mais tu lui parleras toi. Et lui prenant le bras, il le conduisit au premier étage. Elle était dans un petit salon qui précédait sa chambre. Vêtue de deuil, les cheveux collés sur la tête, extrêmement pâle, les yeux rouges, elle se tenait dans une attitude affaissée devant une petite table, sur laquelle étaient étalées des lettres ouvertes, les lettres de son grand-père qu'elle lisait mettaient en ordre. Auprès d'elle, en blanc comme à l'ordinaire, Victorine, fraîche et rosée, voulait habiller de noir sa poupée. Lorsqu'elle les aperçut, sans se déranger, elle leur tendit la main. Évidemment, c'était un geste machinal où la pensée n'était pas. « Martel a besoin de te parler, » dit Maurice. « Je vous laisse. Je reviendrai dans 2 heures. » Il enleva Victorine dans ses bras et sortit avec elle. À peine avait-il tiré la porte derrière lui, qu'Armande, regardant Martel avec inquiétude. « Mon Dieu, qu'avez-vous à m'apprendre? Quel malheur encore! Pourquoi voulez-vous que ce soit un malheur? Vous êtes assez éprouvé. Ce n'est point de la tristesse que je vous apporte. Pourtant, ce n'est pas de la joie. Au moins est-ce une consolation. À moi. » Il fit un signe affirmatif. « Aujourd'hui, la plus grande que vous puissiez espérer. » Elle se leva, et après quelques secondes d'hésitation qui la pâlirent encore. « Maurice ? » dit-elle avec anxiété. « Oui, Maurice brise les liens qui le désespéraient lui-même. Voici la lettre écrite de sa main qui l'annonce. « Ah ! » dit-elle en joignant les mains. « Par sa mort même, grand-père me protège encore. » De grosses larmes tombèrent douces et rafraîchissantes de ses paupières brûlées. « Vous voyez, dit-il pour ne pas se laisser gagner par cette émotion, que je ne vous trompais pas. Maurice vous revient, Victorine vous reste. Vous ne serez pas seul dans votre chagrin. » Au mot de consolation, la réponse d'Armande avait été Maurice. Mais dans un cœur aussi souvent trompé que le sien, le doute devait suivre de près l'espérance. « Vous êtes bien certain de cette rupture, dit-elle. Je porte moi-même la lettre. N'ira-t-il pas derrière vous? J'ai sa parole. » « Moi aussi j'ai eu sa parole. » Il ne devait jamais la revoir, il l'a revue. Ne me donnez pas aujourd'hui un espoir qu'il faudrait perdre demain. Pourquoi ne m'a-t-il pas annoncé lui-même sa bonne résolution? Précisément parce qu'après vous l'avoir annoncé une fois déjà, il n'avait pu la mener à fin. Il y a eu honte, une honte qu'il faut comprendre et pardonner. Aujourd'hui, les circonstances ne sont plus ce qu'elles étaient. Croyez à sa tendresse. Croyez aussi au dégoût que cette liaison lui inspirait. Rassurez-moi mieux encore, loyalement. Dites-moi, qui de vous deux a parlé le premier de cette rupture? Un mot a suffi pour le décider. Vous voyez bien qu'il a fallu le décider. Je vous en prie, n'exagérez rien. Vous ne savez pas combien on sort difficilement d'une situation fausse, alors même qu'on en souffre. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il vous revient plein de regrets. C'est donc devant vous qu'il vous faut regarder désormais, non derrière. Que vous ne puissiez pas oublier le passé, cela se comprend. Mais vous n'aurez même pas la pensée, j'en suis sûr, de le rappeler jamais. » Il avait prononcé ses dernières paroles avec émotion. Elle lui tendit la main. « Merci, » dit-elle. Il voulut abréger ses remerciements avec une brusquerie affectée. « J'ai travaillé pour moi, » dit-il. mais de suite sa voix faiblit et comme s'il était entraîné. « Je veux vous voir tous les jours, comme autrefois avant mon départ. Il faut que vous soyez heureuse. » Les yeux d'Armand ne s'abaissèrent point, ils se plongèrent au contraire plus profondément dans ceux de Martel. L'un et l'autre, ils restèrent ainsi assez longtemps silencieux, n'ayant pas bien conscience qu'ils se regardaient et que leurs mains étaient unies. Tout à coup le visage d'Armand s'empourpra, ses yeux se voilèrent, elle dégagea sa main. Elle recula sa chaise et se mit à chercher parmi le paquet de lettres étalé devant elle. « Vous êtes si bon, » dit-elle rapidement tout en regardant les enveloppes, « que je voudrais vous demander un nouveau service. Dans le portefeuille de grand-père, j'ai trouvé une lettre de mon père. Il paraît qu'il est malheureux, dans la détresse, » dit-il, « et il demande des secours. Tenez, voici la lettre, lisez-la. » « Vous voyez, » reprit-elle après qu'il l'eut lu, « quelle situation il avoue. Sans doute mon père n'a point été bien tendre pour ma jeunesse, ni bon pour ma pauvre maman, ni juste pour grand-père. Mais enfin, je suis sa fille. Je ne veux point être tourmenté plus tard du remords de n'avoir pas fait pour lui ce que je devais, comme je le suis pour grand-père. Quel remords pouvez-vous avoir? Vous avez été la plus tendre des filles. Je l'ai sacrifié à Maurice. Je ne lui ai pas donné toutes les joies qu'il méritait. Je suis resté à Paris auprès de Maurice, quand j'aurais dû être à Plorac, auprès de lui. Mais c'est de mon père que je veux vous parler. Pour lui, il n'est pas encore trop tard. Vous voyez, il donne son adresse. Tâchez de le trouver. J'ai là 1000 francs qui me restent sur ce que grand-père m'avait donné il y a quelques jours. Je vais mettre le billet sous enveloppe avec quelques mots. Voudrez-vous le lui donner? S'il ne demeure plus, si t'es fait non, voudrez-vous le chercher? Pardonnez-moi de vous donner cette peine. Je ne puis y aller moi-même, et j'ai peur que Maurice ne me refuse. Influencé par tout ce qu'on lui a dit, il n'aime point mon père. » Lorsqu'elle lui remit l'enveloppe renfermant le billet, il tenait déjà dans sa main la lettre de Maurice à Lina. « Allons, » dit-il, « je fais avec plaisir le facteur de la maison. » Il allait sortir sans lui tendre la main comme à l'ordinaire. Elle lui présenta la sienne. « Je viendrai ce soir, » dit-il, « vous raconter mon ambassade à la cité Fénelon. » Elle descendit avec lui et le conduisit jusqu'à la porte qui ouvrait sur le jardin. Il pleuvait. « Ah ! » dit-elle en frissonnant des pieds à la tête. « Comme cette petite pluie est froide, il me semble que toutes les gouttes me tombent sur le corps. Pensez à Maurice, » dit-il. « Il va rentrer bientôt. » Bien qu'elle fasse partie d'un des quartiers les plus fréquentés de Paris, la cité Fénelon n'est point connue de tous les Parisiens. Englobée dans le vaste carré formé par les rues Lamartine, des Martyrs, la tour d'Auvergne et Neuve-Coquenard, elle a quelque chose de l'aspect et du caractère de ses rues. La rue de la tour d'Auvergne lui fait une bordure de beaux arbres et de hautes murailles, couronnée en été de lilas et de ravenelles. La rue Neuve-Coquenard y prolonge dans un étrange pêle-mêle ses masures et ses échoppes, où, à l'abri de la lumière, du soleil et du gaz, s'exercent les industries sans nom de la misère parisienne. Sur la rue des Martyrs s'ouvre sa principale entrée, bâtie de maisons neuves, où s'est créée une sorte de faubourg de la galanterie. Les vieilles femmes en sortent pour aller faire leur dernière halte dans les garnis des boulevards extérieurs. Les jeunes y restent jusqu'à ce que la chance, bonne ou mauvaise, comme on voudra, vienne les prendre par la main pour leur faire monter les 12 escaliers où les rampes sont en velours et les marches en moquette. Martel avait trop longtemps pratiqué les hauteurs de Notre-Dame de Lorette pour ne pas connaître la cité Fénelon. Il alla droit au numéro indiqué. « Ce monsieur ne demeure plus ici, » dit le concierge d'un ton bourru et sans interrompre la lecture de son journal. « Où demeure-t-il ? Je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là, ça demeure ? Pourtant, il a demeuré ici. » À cet argument, le concierge releva ses lunettes sur sa toque, posa son journal et avec une indignation majestueuse. « Pour mon malheur et celui du propriétaire, mais... » Il ajouta ces derniers mots avec une satisfaction vengeresse. « Il n'y demeure plus. » Et son adresse ? Il n'a point chargé de la donner. Il m'eût plutôt chargé de la cacher, si j'en étais capable. Cependant, croyez, monsieur, que je connais les obligations de ma profession et mes devoirs d'homme. » En présence d'une pareille dignité, il allait renoncer à son interrogatoire, lorsque le concierge, se faisant familier, s'avança jusque sur le seuil de sa loge. « Voyons, monsieur, est-ce pour son bien ou pour son mal ?» Sous cette interrogation, Martel flaira un désir de vengeance, cependant, comme il pouvait se tromper, « C'est pour de l'argent, » dit-il. « Alors c'est pour son mal, et je vais vous dire ce que je sais. Car ce que je sais est accidentel et n'est pas professionnel. C'est le seul hasard qui m'a appris que l'individu, s'il mérite ce titre que vous cherchez, a été au 73 en sortant d'ici. Si vous le pincez, ne le ménagez pas. C'est un homme qui déshonore notre patrie et la Légion d'honneur. Le 73 est tout au fond de la ruelle là-bas. Cette dernière indication n'était point inutile, car la maison où Martel venait de s'adresser était du côté de la rue des Martyrs. C'est-à-dire que c'était une maison convenable par son apparence, tandis que la ruelle était tout au haut de la cité, auprès de la voûte qui s'ouvre sur la rue Neuve-Coquenard. Entre un ferrailleur et un nourrisseur se trouvait ce 73. La maison était tellement couverte de plaques de boue qu'on devinait le numéro plutôt qu'on ne le lisait. Sur l'appui d'une fenêtre du rez-de-chaussée, un coq chantait en battant des ailes. Était-ce bien là, que pouvait demeurer, quelque bas qu'il fût descendu, un représentant de la noblesse bretonne, un ancien officier? Il entra dans une allée, et par un escalier à cordes monta au premier. Ce fut inutilement qu'il frappa aux deux portes qui donnaient sur le palier. Il monta au second, et n'obtint pas plus de réponse. Au-dessus était le toit. Il redescendit, et malgré son dégoût, il fut forcé de prendre la corde. Sous ses pieds, les marches encroûtées d'une terre humide étaient glissantes comme le sol d'une basse-cour. Cette maison était-elle déserte? En face, c'était un atelier de mouleur, et un gamin de 11 ou 12 ans posait des pieds sur la devanture pour les faire sécher. « Il n'y a pas de concierge ?» demanda Martel. Le gamin le regarda en clignant des yeux, puis haussant les épaules. « S'il y avait un concierge, il n'y aurait pas de locataire, » dit-il de la voix grasse et traînante d'un vrai faubourien. « Pas si bête d'avoir un pipelet. » Martel n'avait pas le loisir d'admirer tout ce que cette réponse concise contenait d'observations pratiques. « À qui faut-il s'adresser ? » dit-il. « Qu'est-ce que vous demandez ? Monsieur de Kergomard. Un vieux de la vieille qui marche comme ça, » dit l'enfant Saint-Jean la tenue militaire. « Si c'est votre général, salut mon lieutenant. Ah, le vieux filou, il a filé, en blin un osseur. » Après ça, peut-être que la mère Filolo sait ce qu'il est devenu. C'est la blanchisseuse qui demeure là. « Allons, » pensa Martel, « tout le monde me répondra sur le même ton. » Il entra dans l'atelier de Madame Filolo, où, sous des cordes chargées de linge mouillé, 5 ou 6 femmes, plus ou moins déshabillées, travaillaient. « Si je connais le père Kergomard, » répondit Madame Filolo, « pour sûr, et comme un vieux brigand qui trompe les hommes et les femmes, une jolie pratique qui fait blanchir plus de faux cols que d'autres choses. Mauvais signe, pas vrai. Où peut-on le trouver ? Voilà le difficile. C'est un malin qui met son adresse à ce qu'on ne trouve pas la sienne, » comme dit Filolo. « Vous comprenez ? Il a quitté le quartier en crevant tous ses œils, et en enlevant pour lui-même la fille au perchaune, une jeunesse qui était mon ouvrière. Pour le trouver, il faudrait avoir du temps à perdre. Ici, on n'en a pas. Si l'on en avait, il n'y aurait qu'à aller pendant 8 jours à tous les bals du boulevard depuis Batignolles jusqu'à la Goutte d'Or. On serait sûr de le pincer un soir ou l'autre avec son idalie. C'est là qu'il fait les affaires de son métier. Quel métier ? Comme l'adresse, on n'en sait rien au juste. Je l'ai vu courtier en parfumerie, marchand de photographie, magnétiseur. Ce qu'il est présentement, le diable seul le sait. » En parlant ainsi, elle avait conduit Martel dans la rue. Ses ouvrières ne pouvaient plus l'entendre. « Dis donc, mon fils, » fit-elle à mi-voix, « si c'est pour quelque chose auprès d'une de ces dames, on fera votre affaire aussi bien que personne. On connaît tout le quartier, et on est entré partout. On a le truc, mon petit, et on est honnête. C'est la mère Filolo qui vous en colle son billet. » Martel ne profita point des offres engageantes de l'honnête blanchisseuse, mais il profita de ses conseils et se mit, dès le jour même, à visiter la Reine Blanche, la Boule Noire, l'Élysée, le Bal Robert et tous les bastringues des boulevards. Mais dans ce monde où toutes les femmes se valent à peu de choses près et où les hommes sont si étrangement réunis artistes et tueurs de l'abattoir, gandins, garçons de café, travailleurs et filous, il ne trouva point celui qu'il cherchait, soit qu'il n'y vint pas, comme le croyait Madame Filolo, soit qu'y venant, il ne ressembla plus au portrait qu'en faisait Armande. Pour ne point mettre dans le secret de ses recherches Maurice, qui était presque toujours présent lorsqu'il les racontait, Martel en parlait comme s'il les eût entreprises pour son propre compte. « Eh bien, disait Maurice, l'as-tu trouvé ou trouvé ? Non. Comprends-tu ? Continue-t-il en se tournant vers sa femme, qu'un garçon comme Martel, sage et piocheur, passe toutes ses soirées dans les bals des barrières, à la recherche de qui encore ? Le nom est inconnu, mais le métier ? » Elle avait un peu honte de ne pas avouer la vérité, car bien que Martel mît dans ses paroles et ses regards une discrétion parfaite, Elle se reprochait cette petite complicité. C'était un secret, une tromperie. Un soir qu'elle n'était point là et qu'il continuait ses railleries où il y avait moquerie, mais où il y avait curiosité aussi, « Tu ferais peut-être mieux, dit-il, de voir maintenant dans des bals un peu plus propres, peut-être. Si tu y vas et que tu rencontres Lina, observe donc avec qui elle est. Est-ce que Lina est une habituée de ces bals? Il ne lui manquait plus que ça. Elle ne l'était pas, mais elle pourrait l'être maintenant. Avant de rompre, j'avais des soupçons sur un petit comte russe qui passe sa vie dans les bals et aux avant-scènes des petits théâtres. S'il est mon successeur, il mène assurément Lina avec lui. Je voudrais savoir si c'est lui qui me remplace. Voilà tout. Je n'y tiens pas plus que ça. » Ces paroles n'étaient point sincères. En réalité, il était possédé du désir de savoir ce que Lina avait fait depuis leur rupture. Avait-elle un amant? Était-ce le comte? Si elle avait un amant, elle n'avait pas été longtemps à se consoler. Si c'était le comte, il y avait fort à parier qu'il l'était déjà au temps où il le soupçonnait. Dans l'un et l'autre cas, il avait donc eu raison de rompre. N'y tenant plus, il alla chez une amie intime de Lina, Hélène la Blonde. Il suffit qu'un homme se soit fait connaître comme un amant généreux pour qu'il ait droit aux attentions et à la complaisance de toutes les femmes. Il fut très bien accueilli, mais on ne put pas satisfaire sa curiosité. « Je ne sais rien, » dit Hélène. « Depuis 15 jours, j'étais à la campagne. Je vais aller chez Lina. Revenez demain. » Le lendemain, ce ne fut point Hélène qui le reçut, ce fut Lina. « Eh bien ?» s'écria celle-ci en le voyant stupéfait. « En voilà une surprise, j'espère. Suis-je gentil ? Tu veux des renseignements sur mon compte ? Je te les apporte. N'aie pas peur, je ne demanderai rien pour la commission. » Elle s'assit en riant, il s'assit auprès d'elle, il ne riait point. « Quand Hélène m'a dit que tu étais venu la voir, continua-t-elle, j'ai été surprise, et je lui demandai comment tu l'avais interrogée, ce que tu lui avais dit au juste, quel air tu avais. » Hélène, qui n'a inventé aucune espèce de poudre, pas même celle de riz, Hélène ne m'a naturellement rapporté que des bêtises, et j'ai été forcé de faire de l'analyse, comme disait Liénard. « Tiens, veux-tu un marché ? Je vais te dire le motif qui t'amène ici, et tu m'avoueras franchement si j'ai deviné juste. Alors, pour payer ta franchise, je te dirai, jour par jour, heure par heure, ce que j'ai fait depuis ta lettre. Ça va-t-il ? » Il fit un signe affirmatif. « Eh bien, reprit-elle, c'est la jalousie. Tu as voulu savoir si le petit comte avait hérité de ton oreiller, parce que dans ce cas, tu conclurais qu'il s'en servait en même temps que toi. C'est vrai. « Tu vois, dit-elle en battant des mains, qu'on connaît le cœur humain. Ah, tu es jaloux. Tu m'aimes donc encore. Alors veux-tu m'expliquer pourquoi tu t'es fâché ?» Il ne répondit point. L'entretien prenait une tournure qui le mettait mal à l'aise et le troublait. « Plus de remords que d'argent, n'est-ce pas ? » reprit-elle. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ? Est-ce que l'argent devait nous fâcher ? Est-ce que c'était pour ton argent que je t'aimais ? Tu sais bien que je ne me suis pas enrichi, et que pour toi j'ai raté plus d'une fortune. Il fallait franchement me dire « je n'ai plus le sou ». Et franchement, je t'aurais répondu « comme il est temps que je pense à l'avenir, je prends le compte, mais comme je t'aime, je te garde ». J'aurais été marié comme tu es marié, voilà tout. Mais tout ça, parole en l'air, ce qui est fait, n'est-ce pas? Je ne suis pas venu pour parler de projet, ni toi pour en entendre. Où en est le comte, n'est-ce pas? Dans la même position, ma parole d'honneur, le bec dans l'eau. Seulement, ça va changer. On dit que je suis pané. Il faut que je me montre. Suzanne donne un bal samedi. J'irai, et j'aurai une robe de point d'Alençon de 12 000 francs. Ça clouera le bec à ces dames et ça relèvera celui du comte. Il sera heureux de m'offrir cette robe, et comme il aura posé longtemps, il m'aimera toujours, c'est fatal. » Ce discours mélangé de regrets, de projets, d'effronterie, avait remué Maurice. « Si ta robe venait sans le comte, dit-il tout à coup en s'approchant de Lina qu'il regarda dans les yeux. « Ne dis donc pas de bêtises, » fit-elle en souriant. « Si je parlais sérieusement, à ton âge, avec ta tête, dans ta position, « on ne donne pas des robes de 12 000 francs. Si je voulais en donner ?»« Ah ça, voyons, tu as donc le sou, si je l'avais. »« Je te répondrai que tu es fou, maintenant, en voulant te remettre, ou que tu l'as été, il y a quelques jours, en voulant te fâcher. »« Je l'ai été. »« Eh bien, moi, je ne serai pas folle. Restons amis, si tu veux, car je ne fais pas attention à ta manie des ruptures, qui chez toi est une infirmité chronique. Mais laisse la destinée du comte s'accomplir, elle ne sera pas longue, je t'assure. » Ce ne fut point son dernier mot. Les titres de rente légués par M. Michon à Victorine et inscrits au nom de celle-ci étaient entre les mains de Maurice, qui, aussi bien que toute personne, pouvait en toucher les arrérages, ces arrérages étant payables au porteur, malgré la stipulation testamentaire de l'usufruit. Sur ces titres déposés chez un prêteur, engagés pour 5 ans, garantis pour le cas de mort par une assurance, on donna à Maurice 20 000 francs. C'était égorger la poule aux œufs d'or, réduire à la misère celle auxquelles ses revenus appartenaient, sa femme, sa fille. C'était les dépouiller, les voler. Mais ces raisons n'étaient point de celles qui maintenant pouvaient l'arrêter. Au contraire, elles devaient le pousser. Car il arrive une heure, lorsqu'on est ainsi entraîné, où le mal devient un besoin, la douleur un plaisir, il en était là. C'était bien l'avenir qu'il pensait. C'était à l'heure présente, à Lina, au comte surtout, sur lequel une occasion s'offrait de l'emporter une fois encore.